Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mardi 30 mars 2021, il est 14h01, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guémozo et intitulée Fréquence Libre. Bien que vous soyez habitués désormais, je vais quand même rappeler le principe pour s'il y a des nouveaux venus. Il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont, Laurie Valdener qui est venue nous parler de ce qu'il fait, tout simplement. Donc bonjour Laurie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, c'est beau. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Et donc du coup, d'ailleurs cette émission est un petit peu particulière car tu n'es pas tout seul dans le studio invité. Car il y a avec toi Lia, notre chef d'antenne, notre chef de programme, notre tout à la radio. Donc coucou Lia. Salut Chris. Comment tu vas? Moi je vais très bien, merci de m'accueillir autour du micro bon, aujourd'hui. Écoute, ça fait bizarre de passer de l'autre côté. Ouais, la force obscure. Ah c'est ça. Et il y a également Jean, notre service civique. Donc salut Jean. Salut Chris, comment tu vas? Bah ça va et toi? Tranquillou, tranquillou. Nickel. Donc Lia et Jean vont intervenir plusieurs fois dans cette émission. Et je suis accompagné en cabine animateur de notre stagiaire de la semaine, Léliana, mais elle veut rester discrète. Donc tout d'abord, on va commencer direct. Nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Je pose toujours cette première question afin qu'il et elle puissent déjà connaître notre invité un peu plus. Donc Laurie, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Laurie Valdener, j'ai 37 ans. J'habite Remiremont, je suis originaire de Remiremont de base. Et après de longs voyages, je suis revenu dans notre région, voilà, pour profiter du climat attractif. Ça dépend des montagnes. Fois. Voilà, des montagnes qui me manquaient aussi. Ah oui, bah c'est sûr que dans les Vosges, niveau montagne, on est plutôt gâtés. Ouais, c'est génial. Ouais. Donc, comme annoncé en introduction, nous sommes ici pour parler de ce que tu fais dans la vie, enfin de tes passions plutôt, et plus particulièrement dans le monde du street art et de l'écriture, car tu es street artiste, c'est comme ça qu'on dit? Street artist, ouais, je pense, voilà. On peut dire comme ça. Et tu as écrit un livre intitulé « Sam Rooks et l'héritage de Wallace ». C'est ça. Voilà. Édité dans la maison d'édition Les Auteurs Libres, maison d'édition se trouvant dans la ville de Sorgues, dans le département du Vaucluse. C'est bien ça? C'est bien ça. Nickel. Donc je te propose d'y aller déjà étape par étape et que nous commencions d'abord par parler de l'écriture, car en toute humilité, c'est un peu mon domaine quelque part parce que je m'y connais plutôt. J'ai déjà écrit moi-même deux ouvrages, tu le sais déjà, je crois. Oui. Et j'ai une émission où je reçois des auteurs, donc voilà. Donc comme je disais, tu as écrit un livre intitulé Sam Rooks et l'héritage de Wallace, édité chez les Auteurs Libres. Et quand cet ouvrage est-il sorti? Alors il est sorti au mois de février, officiellement, parce que voilà, ça a pris un peu de temps. Comme toujours dans le monde de l'écriture, hein, faut s'armer de patience. Donc il est finalement sorti au mois de février, et donc toujours disponible sur toutes les plateformes, quoi. Que ce soit la Fnac, Amazon, et tant d'autres. Et tant d'autres, partout. Et on peut le trouver dans le commerce, dans les magasins ou pas encore? Alors il est à la librairie de Remiremont. Ok. Et je pense qu'il va, voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi, donc ça va. On a vocation à s'agrandir dans ce domaine-là. Bien sûr. Ça prend un peu de temps, et puis la maison d'édition, elle fait aussi son travail de l'autre côté. Bien sûr. Donc peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours d'écriture? Alors, d'abord au lycée, je pense que j'étais beaucoup plus littéraire que du côté mathématique. J'ai toujours été bon en français, en langue. Et c'est quelque chose que je voulais développer. Comme tout le monde, on a tous eu envie un jour d'écrire un livre, une histoire à nous propres. Après, c'est pas tout le monde qui a la capacité. On essaye tous de gratter un peu, et puis souvent on laisse tomber parce que ça prend beaucoup de temps. C'est très énergivore, et puis il faut un moral d'acier. Donc moi, j'ai commencé cette entreprise il y a déjà 3 ans. Avec un premier livre, un premier jet que j'ai fait relire, et puis voilà, déception, parce que les gens n'arrivent pas à lire 2 pages. On croit toujours qu'on est bon, et puis finalement on nous ramène à la réalité. Donc je me suis pas laissé faire. j'ai persévéré, et puis j'ai écrit quelque chose d'autre, complètement différent, dans la veine de young adult, tout ce qui est de livre jeunesse, parce que c'est ce que je préfère, c'est mon enfance, c'est Harry Potter, c'est les bons souvenirs. Et puis j'en achète pour mes enfants qui sont ados et qui j'ai un petit peu de mal à en trouver en ce moment, donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et puis voilà, j'ai écrit la première page, et j'ai couché sur papier tout ce que j'avais en tête, le nom des personnages, et voilà, comme tout bon écrivain, j'ai fait des fiches perso avec des voilà le caractère de chacun. Et bien puis sûr. Voilà, je me suis jeté à la mer, et puis une page, deux pages, dix pages, voilà comment ça a commencé concrètement. Et du coup, maintenant, ton roman, il a plus de 300 pages, il me semble. Dans les 450, oui. Ah, ok. Et on en a enlevé, on en a rajouté, parce que, bon, écrire, c'est une chose. Après, il faut se faire relire. Bien sûr. Déjà, pour les fautes, parce que même si on est bon en français, on ne voit pas tout. C'est vrai. Et puis aussi, voilà, il faut un avis objectif. La famille, en général, ils ne sont pas objectifs parce qu'ils nous veulent du bien. Soit ils sont trop durs parce qu'ils nous connaissent, soit, au contraire, ils nous couvrent de louanges parce qu'ils sont fiers de nous. Donc, voilà, une personne extérieure qui va vous remettre en place durement. Et puis voilà, qui vous pousse à changer ce qui ne va pas. Et voilà, après, il faut s'armer de patience et puis il faut être persévérant parce que ça fait mal d'entendre des critiques, mais c'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas plaire à tout le monde et puis voilà quoi. Et donc, cet ouvrage, tu as mis combien de temps pour l'écrire en tout ? En comptant la relecture, en comptant tout le processus jusqu'au bout, j'ai mis quasiment 2 ans et demi. Sachant que voilà, j'ai une vie à côté, que c'est pas mon métier principal, donc dès que j'ai un peu de temps, il me fallait une après-midi pour écrire une page à peu près, une page correcte que je peux me retourner en me disant bon là je suis satisfait, voilà, bien qu'elle soit corrigée encore après un millier de fois quoi. Et du coup quand t'écrivais, parce que je connais beaucoup d'auteurs qui marchent en fonction de genre tant de mots par jour, genre je sais pas 5000 mots par jour. Toi tu marchais plutôt en termes de mots, en termes de pages ? En termes de passion, plutôt. C'est-à-dire que je peux prendre tout un week-end et laisser toute ma famille de côté, vraiment possédée par mon histoire, et c'est là que c'est les meilleurs jets, d'ailleurs. Ou alors, des fois, je peux voilà, laisser tomber pendant une semaine, un mois. Une fois, j'ai perdu ce livre-là, qui était à la moitié, je l'ai perdu sur mon ordinateur, qui a fait pchut, et tout s'est évaporé. Alors, j'ai fait appel à tous les gens possibles et inimaginables, presque le Pentagone, quoi, pour retrouver mon livre. Mais à la fin, c'était voilà, il a fallu tout réécrire. Et bon, au-delà de ça, quand j'ai passé la période de tristesse, j'ai amélioré les choses, j'ai changé plein de choses. Finalement, c'était le destin de le rendre meilleur, quoi. Donc du coup, pour écrire cet ouvrage, quelle a été ton inspiration ou quelles ont été tes inspirations? Est-ce que c'est les romans young adult que tu lisais qui t'ont inspiré, genre Harry Potter, tout ça, ou toute autre chose? Non, ou bah après c'est mon expérience personnelle et puis le fait que voilà, on est une génération qui a vu tellement de films que c'est vrai. C'est un pot pourri de tout ce que j'aime dans les films, dans les livres. Harry Potter, Hunger Games en tête, bien sûr, pour pas les citer, c'est des classiques. J'ai fait un espèce de mix de tout ce que j'aimais. Et puis de mon expérience personnelle, pour créer des personnages qui soient attachants, qui soient proches, qu'on puisse s'identifier et ainsi de suite. Donc oui, c'est surtout les romans young adultes. Après, j'ai lu beaucoup d'autres romans. Mais ce qui me passionne, c'est la jeunesse, hein, c'est la nostalgie comme tous. C'était vraiment l'univers d'Harry Potter qui suit son lecteur au-delà des générations, quoi. C'est vrai, parce que du coup ça existe depuis, parce que là je suis en train de faire une chronique dans l'histoire des auteurs, justement sur, c'est ma chronique sur la créatrice justement de Harry Potter. Ça existe depuis 1981, je crois, hein. Ouais, quelque chose comme ça, il me semble, c'est 81, donc... J.K. Rowling. Ouais, c'est ça. Et du coup maintenant en 2021, tout le monde connaît Harry Potter. Plus, c'est même le livre le plus vendu au monde, quoi. C'est une success story. Et puis à la base, elle était partie pour un. Elle a créé un monstre parce qu'elle était partie pour un livre enfant. Et puis finalement, c'est devenu adulte à la fin, quoi. Donc, c'est ça. Et l'histoire est folle, hein. Et ça montre qu'il faut tellement s'accrocher et croire en ses rêves, cette histoire, que c'est incroyable. Parce qu'elle a quand même présenté son projet à plusieurs maisons d'édition qui l'ont complètement snobé. Et je pense qu'ils doivent bien s'en mordre les doigts. Ouais, est-ce que tu prends maintenant en 2021. Tout le monde, comme je disais, tout le monde connaît Harry Potter, même grâce au film, avec Daniel Radcliffe, tout ça, franchement, c'est vraiment une success story. On te souhaite ça, un livre. C'est gentil. Un film. Après, les maisons d'édition, elles sont pas forcément. Elles peuvent aimer votre livre, votre manuscrit, parce que c'est le manuscrit qu'on envoie. Ouais. On l'envoie généralement à tous les grands, en premier, qui sont en cohérent avec le livre qu'on fait. Et puis après, ils vous répondent. Moi, ils m'ont tous répondu, donc j'ai déjà apprécié ça. Et puis eux, ils font en fonction de ce qu'ils peuvent et du sujet du moment. Donc moi, ce qui allait, c'est que le sujet est post-apocalyptique. C'est une histoire de gamins qui vivent à New York et qui voilà. Déjà, j'ai pris une ville phare dans l'optique de plaire au plus grand nombre. Si je peux exporter ça même outre-Atlantique, ça aurait été très bien. Et puis voilà, tout ce qui est post-apocalyptique, c'est un peu dans l'air du temps, c'est ce qui marche en ce moment. Donc j'ai été sur ce créneau-là, et puis voilà, les maisons d'édition, j'en ai une qui m'a contacté, qui était clairement positionnée pour lancer le livre. Après, j'étais heureux parce que c'est tellement sélectif comme monde, ils en prennent un sur mille. C'est vrai. C'est le Graal, hein, vraiment, d'être édité par une vraie maison. C'est une reconnaissance de ce qu'on a fait. Oui, voilà, dans plein de choses, dans ce qu'on est, voilà, c'est vraiment... Après, voilà, il s'est passé qu'après tractation, on n'est pas allé au bout avec cette maison d'édition. Covid aidant, bien sûr, hein, parce que tout le monde est impacté par ce qui se passe. Donc voilà, c'était quand même une belle réussite pour moi et c'est tout ce que je voulais, hein, j'ai... Si le succès est au rendez-vous, tant mieux. S'il ne l'est pas, j'aurai accompli ça dans mon histoire. C'est vrai. Donc justement, là, vu que tu parles un petit peu de l'histoire, de ton histoire, donc j'ai le résumé sous les yeux, donc je te propose de lire à nos auditrices et nos auditeurs, afin de déjà leur offrir un petit avant-goût. Donc du coup, donc, à chaque orage magnétique, les tribus vivant sur le coquillage, qui fut autrefois New York, s'affrontent lors d'un rodéo. Cette course sanglante oppose les adolescents montés sur de gigantesques bêtes irradiées. Les sommes en jeu permettent parfois au vainqueur d'échapper avec sa famille aux ongles d'acier qui, en cas de défaite ou de trop grande dette, les vendent comme esclaves. Sam Rooks, donc ton personnage principal, est le dernier irradié de la tribu Wallace, double cœur. Les épines qui lui poussent dans le dos n'aident pas cet adolescent fragile à se socialiser comme il le souhaiterait. Entraîné malgré lui à l'occasion du rodéo dans une bataille qui n'est pas la sienne, arrivera-t-il à restaurer la solidarité entre tribus ? Voilà. Pas mal. C'est plutôt un univers du coup type, comme tu dis, post-apocalyptique, science-fiction. Tribal, ouais. Concrètement, c'est les habitants de la Terre. Donc ici, on parle de New York, qui survivant à l'apocalypse nucléaire, bien sûr, sont déracinés de leur propre histoire. C'est-à-dire que toute la ville de New York et toute leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu, les êtres humains, sont sous le sable. Et on peut pas creuser parce qu'il y a de la radioactivité, donc on peut pas descendre à plus de 2 mètres. Donc en gros, ils s'inventent, ils vivent entre tribus, ils cherchent leur histoire. Et puis il y a, bien sûr, on a des maraudeurs, donc des gens qui jettent leur canne pour aller ressortir des artefacts, hein, c'est-à-dire des pièces de notre civilisation à nous. Et puis voilà, ils se forment en groupe, en espèce de tribu. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a plus d'argent, eh ben on fait un rodéo. Et le rodéo des tribus, c'est une course mortelle, un peu à Hunger Games, hein. C'est-à-dire que tous les coups sont permis et c'est des adolescents qui montent sur des bêtes irradiées. Vous avez des tigres de gros comme des bus et des choses comme ça. Et voilà, chacun selon ses moyens va monter une bête plus ou moins forte, plus ou moins agile et ainsi de suite. Et donc notre petit héros qui a rien demandé à personne et qui est déjà un irradié, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème physique de base, qui est vu comme un parasite, va être entraîné dans ce rodéo-là, avec peut-être la mort à la clé, hein, bien sûr, parce que c'est une course mortelle, hein, c'est pas tout le monde qui va survivre. C'est pour ça que c'est un public un peu plus adulte qu'enfant, quoi. Toujours est-il que voilà, notre héros il va cheminer dans ce monde-là, mm-hmm. le monde des tribus, et c'est des clins d'œil en fait à notre civilisation aussi, hein. Parce que par exemple, ils vont sortir un. Je dis n'importe quoi, peut-être dans le. Ils vont sortir un bout de papier pour eux, comme c'est une matière putrécible, ça vaut des millions et des millions, quoi. Et leur monnaie sur cet endroit-là, c'est des monopolies. D'accord. Pourquoi génial. Parce qu'ils ont trouvé une boîte de Monopoly, c'est des billets, ça leur rappelle leur civilisation. Et comme c'est une matière putrécible et que ça a de la valeur, après la disparition des arbres, le papier, du coup, c'est leur monnaie d'échange. Vous voyez, et c'est des choses qui sont ridicules pour nous et qui deviennent pour eux de valeur. Mm-hmm. Faites attention à vos billets de Monopoly, ça peut valoir cher un jour. Est-ce qu'ils ont encore de l'eau dans ton monde ? Ils ont de l'eau, bon, c'est une matière très rare, mais ils en ont encore, ils la puisent. J'ai pas accès, on va dire, sur la rareté de l'eau. C'est surtout sur le rodéo et puis sur la place des gens différents dans une communauté. Comment Sam, qui est mon héros, peut évoluer, sachant qu'il est déjà. Il a presque la peste, hein, dans leur esprit. Donc voilà, comment il va cheminer pour gagner le respect. Et puis vivre sa vie malgré qu'il soit différent. C'est bien. Mmh. Donc avant de poursuivre et d'entrer plus en détail dans tout ce que tu fais, je te propose de nous lancer tout de suite dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier son, et que nous écoutions une chanson du roi de la pop, Michael Jackson, est au titre Wanna Be Starting Something, chanson datant de 1982 et tirée de son 6e album studio sorti le 30 novembre 1982, album intitulé Thriller. Donc est-ce que ça te va qu'on écoute ça ? Oui, ça me va très bien. Nickel. Alors, on écoute cette chanson de Michael Jackson et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 6 minutes. Donc, à tout de suite. You wanna Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Il est 14h21. Vous venez d'écouter Michael Jackson avec son titre Wanna Be Startin' Something. Voilà, mon accent anglais, il est toujours aussi... C'est pas grave, on t'en veut pas. D'accord. Vous nous écoutez peut-être du coup chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Laurie Valdener, ainsi que de Lia et de Jean, qui est venu, Laurie Valdener, qui est venu nous parler de tout ce qu'il fait, que ce soit dans le monde de l'écriture, du graphe et autres. Ça va toujours ? Ça va, nickel. Nickel. Donc, on va continuer un petit peu à parler de ton ouvrage Sam Rooks et l'héritage de Wallace avant d'un peu plus approfondir sur un autre sujet. J'aime beaucoup décrire la première de couverture à nos auditeurs afin de les faire imaginer et de pourquoi pas leur donner envie de se procurer le livre. Donc pour décrire un petit peu la première de couverture de ton ouvrage, nous voyons au-dessus donc ton nom avec une police d'écriture particulière entre guillemets mais dans le bon sens du terme. Et bien sûr juste en dessous nous avons le titre de ton ouvrage, donc Sam Rooks et l'héritage de Wallace, écrit en plus gros, mais toujours avec la même police d'écriture. En bas à gauche, il y a C'est hyper précis, en fait, ce que tu fais. Ah, bah ouais, ah la vache. Ah, les gens, ils ont visualisé. En bas à gauche, il y a le logo de la maison d'édition, donc les auteurs libres. Et au niveau de l'illustration, c'est une illustration avec une certaine profondeur de champ. Ouais, t'as vu, j'utilise des termes professionnels. Ah ouais, fais gaffe parce que t'es un professionnel en face de toi. Moi, j'ai envie de te dire. Ça va, je m'en sors bien pour l'instant. Très bien, nickel. Je suis sûr, il a oublié un petit guillemet ou non. C'est pas quelque chose. À... Non. Bah... Allez, vas-y. Donc, nous voyons, on va dire en arrière-plan, deux araignées géantes. Et au premier plan, on voit un personnage de dos aux cheveux longs avec comme un long t-shirt de basket face aux araignées. Et il se trouve dans un désert. Nous retrouvons des couleurs plutôt chaudes, du jaune orangé, du noir et du rouge notamment. Et donc, en écrivant ton ouvrage, est-ce que c'était la couverture que tu imaginais ou est-ce qu'elle ne s'est dessinée qu'après et en partenariat avec la maison d'édition ? Non, en fait, j'ai donné les idées et en fonction du livre parce que c'est tiré, enfin, l'image, on va dire, de couverture est tirée du livre. C'est-à-dire toute l'histoire, on y retrouvera forcément des araignées géantes et un personnage avec un t-shirt de basket. Pourquoi ? Parce que pour moi, basket 23, c'est de la pop culture. C'est, voilà. Ah ben ouais. Il fallait qu'il déterre un héritage de Michael Jordan. Quoi, parce que... carrément. Il va trouver la veste de Michael Jackson ou pas ? Ah non, il n'y a pas de Michael Jackson. Ah, bah, après, il faut attendre le tome 2 pour ça. Donc justement, tu me tends la perche. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture ensuite ? Alors, il était pensé pour être à suite. C'est-à-dire que j'ai imaginé moi plutôt la suite, parce que le problème c'est que quand on écrit, faut bien poser l'histoire, faut bien commencer par un bout. C'est pas la phase que j'ai préférée parce que voilà, j'ai été tellement loin dans la réflexion de ce livre que j'ai réservé les surprises pour le 2. Et le 1, c'est vraiment pour, voilà, un peu comme Harry Potter, on aime relire le 1, mais c'est pas souvent, enfin, pour moi en tout cas, c'est pas celui que je préfère. Même s'il pose les bases, même si voilà, on apprend tout, c'est un peu, voilà, je n'oserais pas me comparer à J.K. Rowling, j'ai essayé de m'inspirer d'elle. Voilà, pour mon livre, le 1, voilà, j'ai posé les personnages, l'histoire, mais là où je vais vraiment m'amuser, c'est ce tome 2. Ok. Et donc, tu as déjà une idée de... Ah oui, tout est déjà prêt. Ok. Ouais, parce que de toute manière, l'histoire, elle est faite pour être suivie, donc... D'accord, ça sera toujours en collaboration avec la maison d'édition et les auteurs libres. Oui, bien sûr. Ok, bah nickel. Donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai remarqué sur une célèbre plateforme de vente en ligne, Amazon, un avis sur ton ouvrage, avis haut de 5 étoiles, quand même. Wow. On peut peut-être citer cet avis ? Oui, bien sûr. Nickel. Donc, cet avis, c'est « J'ai acheté le livre de Laurie Valdener, quelle découverte ?» avec un point d'exclamation. « L'auteur nous amène dans un univers post-apocalyptique bien pensé et grandement illustré par les mots de Laurie Valdener. Cet ouvrage nous amène à réfléchir sur les comportements de la société en nous faisant vivre une belle aventure pleine d'humanité avec ses bons côtés et ses maux. Donc, j'espère que nous aurons le bonheur de découvrir la suite des aventures de Sam Rooks. » Et fin de citation. Donc j'imagine que ça fait plaisir de savoir que notre ouvrage plaît. Bien sûr, oui. Et puis la personne qui a écrit ce commentaire, il a bien cerné le livre. Là où je voulais en venir, vraiment, c'est pas qu'une question de jeu. Enfin, c'est pas qu'un amusement ce livre-là. C'est faut aussi qu'on apprenne quelque chose derrière, la tolérance, la place d'un jeune, par exemple, qui démarre mal dans la vie, on va dire, qui a pas toutes les cartes en main et qui va, voilà, forcer son destin pour aller au-delà de ses propres forces, quoi, de ce qu'il imaginait d'être lui-même. Et donc, mais est-ce que tu as déjà eu d'autres retours, que ce soit retour de presse ou de personnes ayant acheté ton roman concernant justement ce roman ? J'ai eu des retours oraux et le problème c'est que on a eu un petit problème avec Amazon. Donc là, si on regarde maintenant, on est en rupture de stock. Donc les gens ne peuvent plus poster de commentaires. Donc c'est un petit problème, on va dire passager. Enfin, du moins j'espère. Mm-hmm. Du coup, ça a bloqué les commentaires. Après, le livre est en ligne depuis un mois, donc il faut. Un livre, ça prend du temps. C'est vrai. C'est la leçon dans toute la littérature, c'est que si on est quelqu'un de connu, ça va plus vite. Si on connaît des gens, ça va plus vite. Si on est de Remiremont, ça va moins vite. Oui, c'est sûr. Voilà, il faut s'armer de patience. Et puis, la qualité plus que la quantité, enfin, c'est ce que j'espère, quoi. Mm-hmm. Moi, j'avais une question. Tu sais, quand tu écris ton histoire, il y en a beaucoup que j'ai entendu dire ça, on s'attache à son personnage. C'est difficile de le faire même mourir par moment. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de dire, bon, celui-là, faut qu'il meure, mais non, je l'aimais bien quand même. Clairement, on les aime parce qu'on les crée. Et puis surtout, ce qui est le plus jouissif, c'est d'entendre des gens parler des personnages qu'on a créés comme s'ils étaient réels, ouais. Débattre sur des sujets entre eux, alors que c'est nous qui c'est sorti de notre tête, quoi. Tout ce qui est écrit. Et des fois, même quand je relis derrière, je me dis, ah oui, j'avais écrit ça. Et voilà, on s'attache, on met une partie de nous dans chaque personnage, qu'on le veuille ou non. C'est vrai. Ça transpire de nous, hein, chaque personnage. C'est même un journal intime, hein, écrire un livre. Même si on ne veut pas le montrer, même si on essaye de cacher, chaque personnage révèle une partie de nous aux gens, quoi. Est-ce que tu vis avec tes personnages pendant, tu sais, tout le temps où tu écris l'histoire ? Est-ce qu'ils sont pas très loin ? Ah, même la nuit, ils surgissent comme des pop-up. Voilà. Chacun avec sa personnalité, avec sa façon de parler. C'est une aventure, un livre. Hein. On est tellement immergé dedans à essayer d'entrelacer des intrigues dans la même histoire, hein, pour réserver un mystère. Et des fois, on conduit, on dit « Ah, faut que je mette ça dans tel endroit. » Et voilà, c'est immersif comme expérience. Oui, carrément. Ouais, tu vis un truc et tu te dis « Oh, il faut que je l'intègre. » Exactement. Ouais. Et donc ça, ouais, ça arrive surtout dans la phase de réécriture, quand tu relis ton ouvrage complet, que tu dis « Ah, j'aurais peut-être dû ajouter ça ou retirer ça. » Donc tu leur tires tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience assez... Bah, c'est une bonne expérience, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de travail et tout ça. D'énergie. Voilà. De l'énergie, oui. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé d'enlever... Il y avait une partie qui n'est pas cohérente, ce qu'on ne voit pas souvent. C'est pour ça qu'il y a un travail de relecture derrière. Vous mettez un nom qui n'est pas censé se trouver là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Et ça change toute l'histoire, il faut le remettre ailleurs. C'est des petits éléments ou des petits indices ou alors... Des rappels, ouais. Voilà, des choses que nous, on voit pas. Et puis quelqu'un va vous dire, oui, mais à tel endroit, il était pas mort, la période. Et on se dit, c'est vrai qu'il a survécu. Donc voilà, après, il faut relire et relire et relire. J'ai dû le livre fini, hein, c'est-à-dire tel quel, j'ai dû le relire au moins 10 fois. Ah ouais. Et l'éditrice, pareil. Au point où on n'en peut plus. Hein. Une seule page, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à relire une page, hein, parce que voilà, il faut que je draine ça, il faut que je l'enlève de mon esprit pour me concentrer ailleurs, mais c'est vrai que c'est une sacrée expérience. Et on parle de tes personnages qui vivent dans ton histoire, mais est-ce que toi, tu deviens quelqu'un d'autre par moment, tu sais, est-ce que tu te mélanges, est-ce que ton histoire rentre dans ta vie réelle ? À l'inverse, tu sais, est-ce que t'appelles quelqu'un comme un de tes personnages dans le livre? Non, quand même pas. En fait, c'est eux qui prennent de moi plus que l'inverse. Tu es schizophrène. Mais c'est vrai que je place des valeurs dans des personnages, notamment mon personnage principal. Donc, quand on écrit quelqu'un de bien, on essaye de le rendre meilleur que nous-mêmes. Et c'est vrai que je peux m'inspirer de lui. En fait, j'ai mis tout ce que j'aimerais être dans un personnage, quoi. Ouais. Donc, des fois, on se dit, ah, il est meilleur que moi et il faut que je prenne un exemple sur une chose que j'ai créée de moi-même, quoi. Ouais. C'est notre conscience, en sacrée fait. Sacrée introspection. C'est notre petite, notre petite belle voix qui passe à travers. C'est beau. Bah ouais. Donc, du coup, il est 14h30. Avant de. Déjà, est-ce qu'il y a encore des choses à dire concernant ton ouvrage ou pas ? Ah, il y en aurait plein. Oui, mais. Ça sera au lecteur de le dire, en bien ou en mal. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand nous, en tant qu'auteurs, on ne peut pas demander aux gens d'aimer ce qu'on fait. S'il y a des critiques, qu'elles soient positives, négatives, peu importe, on les prend comme un enrichissement. C'est vrai. Faut pas se braquer. Tout le monde a sa vision. Tout le monde ne comprend pas l'histoire comme nous. C'est ça la beauté d'un livre, c'est que c'est pas figé. Hein. Chacun voit le personnage un peu comme il le veut, comme il le souhaite. Donc moi, je suis ouvert à toutes les critiques. Il y a pas de souci tant qu'elles sont constructives et qu'elles sont pas, on va dire, animées de méchanceté. Oui. Après, voilà, ça m'aidera peut-être pour écrire les prochains tomes et puis m'améliorer. Hein. De toute manière, c'est mon premier livre, donc c'est comme toute première chose, il faut de l'expérience pour toujours s'améliorer. Tu le présenteras dans un salon, par exemple ? Oui. Quand ça sera possible. Voilà, exactement. On a été bloqué par le Covid, hein, comme tout le monde. Sinon, je serai déjà sur place, quoi, à militer pour mon livre. Ouais. C'est vrai. Donc, avant de nous intéresser de plus près à tes autres activités, je pense notamment au street art, je te propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence et que nous écoutions un son cette fois plutôt typé R&B contemporain et que nous écoutions It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday de Boyz II Men. Encore de l'anglais. Précise quand même que c'est ton invité qui a choisi les sons, parce qu'ils sont super ces sons. Oui, c'est mon invité qui a choisi. Voilà. Donc, une chanson datant de 1991 et tirée de leur premier album intitulé Cooley High Harmony. Attends, il va te la faire. Je vais donner du mal. Vas-y, lance le son, toi. Voilà. Lance le son. C'est-à-dire ? Donne le titre, tu dis maintenant, voilà, on va écouter. Voilà, on va écouter It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Et. Bon, il fait ça bien. J'espère que je l'ai mieux dit. Ouais. Ah ouais, ça c'est bien. La classe. Vas-y, lance le son. To what we had, the good time that made us laugh, I'm with them back. I thought we'd get to see forever, but for. I don't know where the road is going to lead. All I know is where we've been and what we've been through. If we get and I'll take de retour sur Radio Guémozo à nouveau. Vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Nous espérons que vous profitez de cette journée ensoleillée à peu près partout en France. Ça va être comme ça toute la semaine, normalement. Merci, monsieur Météo. De rien, plaisir. Vous venez d'écouter Boyz II Men avec leur titre It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Un beau slow. Ouais. Yes. Tu t'es entraîné en fait là-bas, c'est pour ça que t'es sorti. C'est ça. Il a répété la phrase, tu sais. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Laurie Valdener, qui est venue nous parler de tout ce qu'il fait, que ce soit au niveau du graphe, de l'écriture, etc. Du coup, nous allons poursuivre cette émission et cette fois, je vais laisser parler un peu plus l'IA et surtout Jean, vu que c'est plutôt. Parce que c'est ton domaine, tu te connais bien. Il n'est pas préparé. Désormais, du coup, au street art. Donc du coup, bah, est-ce que du coup, bah, je vais vous laisser la parole et puis voilà. Ah oui, d'accord, on se démerde. C'est ça. Merci okay, beaucoup, super. Chris. Ça va le faire. Mais déjà, on salue le talent quand même de notre invité voilà, qui est multicasquette. Pour commencer, voilà, je voudrais saluer ça parce que c'est quand même fou tout ce que tu fais, dans la vie, dans toutes tes activités sont incroyables. Il y a pas. Merci. Il faudrait que tu nous donnes des conseils. Enfin, je veux dire, c'est quoi, tu vois, la clé pour avoir autant de persévérance dans tout ce que tu entreprends et avoir autant d'objectifs et autant de d'éclectisme en fait en une seule personne, quoi. C'est incroyable. La clé pour moi, c'est la passion. C'est-à-dire que on voit quelque chose, on le laisse souvent aux autres, on se dit je suis pas capable ou alors ça me prendrait trop de temps et ainsi de suite. Après, moi, je suis quelqu'un, dès que j'aime quelque chose, je suis passionné, donc je vais le faire à fond. Je vais épuiser la chose, presser le citron jusqu'au bout, et puis après, par lassitude, voilà, je saute sur une autre activité, ouais, parce que la vie est courte, et si on veut tout faire, voilà, il faut s'en donner les moyens, et puis. C'est beau de pas se donner de limites, comme ça, pas de barrière à l'art, quoi, la créativité, l'art, c'est tellement, tellement vaste. Alors, moi, je t'ai rencontré visuellement grâce à Jean, qui m'a parlé de toi, qui m'a montré des photos de ce que tu as fait il y a pas longtemps, c'est ça, c'était il y a pas longtemps, c'est. Ouais, c'était il y a quelques semaines. Alors comment tu décrirais ça, des tableaux repris à la craie? Moi je décrirais ça comme quelque chose de qu'on voit pas souvent. C'est quelque chose qui est mine de rien qui est hyper compliqué à réaliser, quoi. Déjà même à la peinture et tout, c'est un délire. Mais et puis je trouve que ça embellit vraiment. Ça embellit vraiment les choses parce qu'on n'a pas tous un Van Gogh chez soi, quoi. Oui, voilà. On n'a pas tous la grotte de Lascaux. On peut pas tous voir la grotte de Lascaux vraiment comme. Parce que vraiment. Elle aurait nous donné un aperçu de ces choses-là qu'on n'a pas vraiment. Je trouve ça fou, quoi. Parce qu'on parle de street art, tout de suite, on pense au graphe, voilà, à la bombe. Et c'est pas ça, là. Ouais. Et que là, on est clairement dans un autre monde, quoi. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on voit alors? Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est parti, en fait, je me suis garé au parking des brasseries, pour la cité, des murs blancs à profusion, pour moi c'était des toiles prêtes à peindre, quoi. Je me suis dit, bon, alors on va pas mettre du graphe, parce que je peux faire le graphe aussi, mais qu'est-ce que je peux utiliser pour pas détériorer, pour que ça soit éphémère? J'aime le côté éphémère dans le sens où rien n'est figé, et si on n'aime pas, on l'enlève et on fait mieux derrière. On s'approprie pas un mur, il est pas à nous, et on interdit à tous les autres de peindre dessus, non, c'est pas ma démarche. Et puis voilà, je voulais pas avoir aussi de problème avec nos amis policiers. Donc, tu voulais pas repeindre. Oui, voilà, ou aller dans un endroit obscur. Donc du coup, je me suis dit, je vais peindre. Qu'est-ce que je vais peindre? Tout le monde peint, tout le monde sait faire plein de choses. Moi, j'ai voulu revenir aux anciens, donc aux grands peintres. Comme tous les grands peintres se sont copiés les uns les autres pour commencer, et je ne suis pas un grand peintre, mais je prends cette démarche-là comme eux. Donc j'ai commencé avec un Monet qui est connu. Donc j'ai commencé avec Giverny, c'est son village en fait, le pont très connu qui enjambe l'étang et les nymphéas et ainsi de suite. Okay. Donc j'ai commencé à faire ça et du coup j'ai choisi le pastel sec. Ce qui est une craie, une forme de craie. D'accord, qu'on peut enlever avec de l'eau, okay. Voilà, au pastel, qui est pas fait pour aller sur du béton, hein, mais il s'est révélé vraiment magnifique sur le. Il se mélangeait bien, et du coup, j'ai commencé avec Monet et puis la drogue. Et il y avait personne dans ce parking, donc je me suis dit bon, je fais de mal à personne. J'ai peint la grotte de Lascaux et j'ai commencé à monter et ainsi de suite. Et puis bon, après voilà. Mais il faut une technique de fou pour refaire un Monet. C'est pas la technique le plus dur, c'était le froid. Parce que j'ai fait ça tout l'hiver, les doigts gelés, de la peinture verte entre les deux yeux. Enfin, ouais, je sortais là-dedans complètement crados, quoi. Mais la technique, je sais pas, elle venait toute seule, bizarrement avec le stress de bien faire. Parce que quand vous laissez une peinture comme ça et que vous partez, vous savez que le parking des brasseries, il est fait de telle manière qu'il y a une entrée et une sortie. Donc tout le monde le verra. Ouais. Et voilà, boosté par le stress de déplaire ou alors de faire, voilà, de tuer une peinture qui est archi connue, je sais pas, j'ai fait de mon mieux, hein, voilà, que ça plaise à certains et à d'autres non, hein, bien sûr. Encore une fois, la critique est ouverte. Toujours est-il que je l'ai fait en une heure, dans le froid. Souvent, je suis obligé de me mettre dans des positions pas croyables parce que les gens passent en voiture, donc je suis obligé d'arrêter et ainsi de suite. Donc, des conditions vraiment. Et au début, je pensais que j'étais filmé par les caméras et que voilà, j'allais avoir des problèmes. Donc voilà, un gros stress. mais l'envie de bien faire, et voilà. Mais comment t'as commencé à peindre? Enfin, je veux dire... La base de la peinture, c'était l'année dernière, au Festival Arcade d'Ormiremont, donc le festival de graphes. Bien sûr. En déambulant, comme tout le monde, pour regarder les œuvres de tous ces graffeurs que j'aime beaucoup, voilà, j'ai vu des tableaux... Enfin, c'est pas des tableaux, c'était des plaques en bois, à l'époque. Oui. Bois compressé. Et il y en avait 2-3 de vides, donc j'ai demandé aux organisateurs si je pouvais en utiliser une ou deux, avec de la peinture à l'huile, et puis je peins avec mes doigts, je prends pas de pinceau, j'étale avec mes doigts, et l'aventure s'est continuée comme ça. Ils m'en ont donné 4, donc j'ai fait 4 peintures qu'on a vendues à la vente aux enchères. C'est ce qui m'a lancé dans la peinture, hein. C'était mes premières peintures. Je me suis découvert, on va dire, un pseudo-talent, je dirais pas un talent, mais en tout cas une passion pour la peinture, et puis voilà, quoi. Excellent, je trouve ça magnifique. Ouais, mais t'es trop modeste, hein. Ouais, grave. Mais c'est fou. Hein, Donc du coup, tu connais la tribu de Mousse, etc. Alors, on peut les embrasser. On peut les embrasser, Mousse, Seb et tous les autres qui m'ont vraiment aidé à percer, on va dire, à faire ma petite place. Et puis qui ont créé une vocation en moi, parce que je savais même pas que j'avais ça. C'est parti d'un délire, et puis voilà, ça fait partie de ma vie. Hein. Le parking, j'y vais encore régulièrement. J'ai pas fini parce qu'il reste des millions de mètres carrés de murs. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? C'est vraiment le Festival Arcade. Ouais. De voir que ma peinture pouvait plaire à d'autres que moi. Et voilà, en fait, hein, c'est. Des fois, c'est juste un petit coup de. C'est le coup du destin. On vous dit peint sur une plaque en bois avec tes doigts, et puis on est parti. Mais carrément, on se découvre des talents. Mais justement, je pense que tu es au courant, Mousse, il va bientôt ouvrir une école de street art, normalement. Oui, oui. Donc, est-ce que ça te tenterait, je sais pas, d'aller donner des cours, entre guillemets, ou d'aller aider des jeunes street artistes pour les aider justement à peindre, à faire de l'art sur des murs ou... Ah oui, carrément. Moi, c'est voilà, au pastel, j'en ai pas mis que au parking des brasseries. Hein. Ou peut-être venir apporter justement ce style voilà. À la pastel. Je voulais créer un vrai engouement là-dessus. Qui se voit pas, enfin qui se fait pas forcément, quoi. Non, du tout. En arpentant un peu tous les réseaux sociaux et tout, tout le monde graffe, mais au pastel, j'avais encore jamais vu. Après, ça existe peut-être. Hein, je vais pas m'abroger. Dire cette nouveauté-là, mais j'en ai mis un peu partout dans la ville, et puis je suis allé à Nancy, j'en ai fait près de la Place Tannes, j'en ai fait sous des ponts, j'en ai fait partout. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, les agents publics ils nettoient ça, et on n'en parle plus, et voilà, on passe à autre chose. J'ai pas dégradé, et j'ai mis à. Il n'y a pas de poursuite ou caisse, quoi. Et puis c'est des Van Gogh, je veux dire, ça permet aux jeunes d'apprendre des tableaux qu'ils ne connaissent pas. Aux anciens, ils ont été beaucoup plus tolérants. En voyant un Monet, un Dali, enfin j'ai fait Matisse, je les ai tous fait en voyant ça plutôt que je veux dire un autre personnage ou quelque chose de vulgaire, quoi, parce que souvent j'essaye de recouvrir des insultes qu'il y a sur les murs. C'est une belle initiative, parce que les Nicapolis et tout ça, quoi. Ouais, voilà. Ça va bien 5 minutes. C'est le coup de gueule des gens. Non, après, l'art, il est vaste. C'est-à-dire, on ne peut pas juger l'art des gens. Peut-être que pour eux, c'est de l'art. Après, faut que ça soit fait vraiment avec le cœur et pas juste pour dégrader, quoi. C'est ça. Il y en a qui ont un malin plaisir à dégrader. Moi, j'ai eu pas mal d'œuvres qui ont été... Enfin, je dis des œuvres, on va dire, de mes dessins qui ont été dégradés... voilà, par pure méchanceté, cracher dessus, et ainsi de suite. Bon, il en faut pour tout le monde, hein. On a un monde varié. Malheureusement, c'est ça. Ouais. Tu penses faire des toiles que tu exposerais ? Je le fais aussi. Là, j'expose à Vosgematin en ce moment, dans la vitrine de Vosgematin. Super. Qui passe devant. Où ça, alors ? Vosgematin, ici, Remiremont ? Oui, à Remiremont. Ouais. Ils ont un local avec une vitrine. Okay. Et donc, c'est la troisième fois que j'expose là-bas. Je peins sur toile, je peins sur des cartons, je peins sur du parquet Versailles, je peins sur des plaques de métal rouillées. Tout ce que je trouve qui me passe sous la main, je peins à toutes les techniques, c'est-à-dire à l'acrylique, à l'huile, je peins au pastel. On est d'accord, c'est un autodidacte, t'as jamais appris? Non, j'ai jamais appris. Mais je me dis, tiens, les autres peuvent le faire. OVNI, en fait, là. J'essaye, on va dire, mais c'est une découverte, et puis on sait pas où on va. On dit, tiens, je vais essayer cette matière-là, et puis après, je me lasse d'une matière, je passe à une autre, et puis voilà, je regarde où ça me mène. Puis ça se trouve, dans un an, j'en aurai ras-le-bol, et puis ça sera fini. Tu feras autre chose, la sculpture. Ouais, voilà, je verrai toujours quand même. Les graffitis, ils s'en vont avec la pluie, certains. Et il y en a qui sont encore là, donc je passe avec mes enfants, et ils rigolent, ils disent, voilà, papa qui a tagué le mur. Bon, c'est éphémère, donc ça va, je suis pas un mauvais exemple. Ils savaient, tes proches, que t'étais si bon peintre? Simon, non, ils savaient pas. Ils ont découvert ça comme moi. Au début, je disais rien à personne. Hein. J'allais peindre dans mon garage, dans mon parking, comme je l'appelle. Et voilà, au bout d'un moment, ça s'est su. Bon, la police passe souvent, donc ils m'ont vu. Voilà, donc j'ai dû sortir de l'ombre, on va dire, avec un article de Vosges Matin, justement. Oui. Et voilà, j'attends de voir ce qui va se passer après. On m'a déjà, il y a déjà l'année dernière, on m'a contacté pour des fresques. Ouais. On m'a contacté pour, j'ai eu des jeunes aussi qui étaient en difficulté, pour leur montrer, pour être là, puisque j'étais éducateur spécialisé dans une autre vie. Et du coup, voilà, j'ai un bon contact avec les jeunes. Ça m'a permis aussi de montrer ma technique, de faire. De leur montrer qu'avec deux mains, parce que je prends rien d'autre que mes doigts. Hein. Souvent, j'avais les doigts en hiver, les doigts gelés, complètement ravagés par le frottement sur le bitume. Donc oui, bon, c'est un petit sacrifice, service de l'art. C'est un exutoire, en fait, ton art. Exactement, voilà. Il faut y aller dans le froid. Je me suis dit, si j'avais des conditions plus favorables, ça se trouve, je ne l'aurais pas fait. Ah ouais. Mais d'accord. C'est vraiment, on recherche, comme des graffeurs qui vont monter en haut d'un pont, suspendu dans le vide. Ah, tu cherches le risque. Voilà, je cherche le spot, l'endroit insolite. Ouais, un peu... Et la petite adrénaline qui va avec. L'adrénaline de, bah, que les gens nous voient faire, de ne pas se rater. C'est aussi, c'est le fait aussi, bah, ce sera la pièce la plus haute. Ou, tu vois, ah peu, oui, ok. Ça va être un peu... Le plus extraordinaire. Ouais, ça va être... Et puis là où ça va être vu, parce qu'on vit que par les yeux des autres, hein, finalement. Mm. Le recul, et puis on veut inspirer les autres, on veut que... Voilà, l'être humain, il aime les louanges, entre parenthèses. Il aime qu'on, pas forcément d'être complimenté, mais qu'on reconnaisse ce qu'il a fait. Mm-hmm. Moi, c'est pour ça. Il y en a qui diront que c'est moche, mais au moins, ils l'ont vu. Et puis après, voilà, on passera ça à autre chose. Ça ne va pas laisser indifférent. Voilà, c'est ça. On crée quelque chose. Quoi, on n'en sait rien, mais voilà, on a envie de le montrer, on a envie de... Puis c'est des murs blancs. Ils demandaient que ça, les pauvres. Je peux pas faire plus triste que. Exactement. Que ces murs-là, quoi. Oui, et puis ça peut inspirer d'autres. Hein. Bah maintenant, je trouve le parking agréable. Nous, on va skater là-dedans, c'est agréable, c'est sympa. Il y a des couleurs, c'est beau. Franchement, ça fait plaisir. Ah bah, c'est gentil. Ça, t'aurais pu faire la couverture de ton livre, en fait. Oui, j'aurais pu, mais par pudeur, on va dire que je préférais la déléguer à quelqu'un d'autre. La maison d'édition m'a dit, pourquoi vous la faites pas vous-même? Après, j'ai beaucoup de pudeur, on va dire, beaucoup de recul sur moi-même, sans fausse modestie. C'est très très dur de se mettre en avant, et on n'est jamais objectif avec ce qu'on fait soi-même. C'est vrai. On a toujours... on se dit toujours, c'est nul ce que j'ai fait. On a le syndrome de l'imposteur pour tout, hein. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Donc, voilà. Ça amène à un dépassement de soi, en fait. Aussi. Oui. Bah, comme on a déjà ce syndrome-là de peur de décevoir, qu'on en donne un peu plus. Mm. Et puis on apprend plus vite aussi, puisque c'est ce que je disais, quand les gens passent, elles voient, on n'a pas le droit à l'erreur, il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est comme un sportif de haut niveau ou quelqu'un qui fait un discours devant des millions de gens. Je veux dire, sans qu'il sache, l'adrénaline va booster sa propre personne au-delà de ce qu'il pensait lui-même. Hein. Et voilà, moi modestement, ce petit parking, il m'a permis, voilà, de faire des peintures de Dali qui, lui, a sans doute pris beaucoup plus de temps dans un atelier. Il n'a pas fait les doigts pleins de... glacés parce qu'il faisait moins 5. On a eu un hiver rude. Et dans le parking tout humide... les jeunes, ils m'ont vu, hein, tous ceux qui m'ont vu aller là-bas, ils se disaient, mais voilà, plus d'ongles, plus de peau sur les doigts. Non. Tu voyais Laurie avec ça. T'as dû rencontrer plein de monde, en fait, qui s'arrêtaient pour... Beaucoup de gens, beaucoup de personnes âgées aussi, qui, en général, ils ont peur des graffeurs, parce qu'on a une réputation de vandales. Mauvais garçons. Ouais, voilà. Et pourtant, là, ils venaient spontanément. Écoutez, vous pouvez me faire tel tableau, parce qu'il plaisait à ma petite fille. Bon, bah écoutez, c'est une demande, je le fais. Et puis j'ai fait tout un mur de tableaux connus, vraiment pour que voilà, des jeunes qui n'ont rien à voir là-dedans me disent, oui, mais c'est quoi l'histoire du Van Gogh, la nuit étoilée, pourquoi il a fait comme ça, et moi je leur explique l'histoire de Van Gogh. Mais c'est intéressant, parce que comment toi tu as appris? Est-ce que tu as une famille qui t'emmenait tout le temps, tous les week-ends, dans un musée différent? Non, pas du tout. Enfin, j'avais un père qui était très proche de l'art, qui aimait beaucoup ça. Après, c'est une démarche personnelle de quand on se met dans la peinture. Alors, qui étaient les prédécesseurs, qui étaient les précurseurs de la peinture, l'impressionniste. Enfin, j'ai tout appris pour savoir leur technique, savoir qu'est-ce qu'ils pensaient, mettre un peu de son cœur dans chaque peinture. Et donc là, je suis un faussaire dans le sens où j'emprunte leur art et ce qu'ils ont mis dedans, jusqu'à ce que moi je puisse voler de mes propres ailes aussi et puis découvrir mon propre style. Peut-être que mon style, c'est du pastel, c'est de reproduire ce que les autres ont fait. Je ne sais pas encore où je vais avec ça, j'apprends tous les jours. Et le pointillisme, t'as déjà essayé ? Oui, j'ai fait une peinture qui est exposée d'ailleurs. C'est Notorious B.I.G. pour ceux qui connaissent. Waouh, génial. Le rappeur. Je passerai tout à l'heure, je te prends une photo. Ça va. Je l'ai fait en pointillisme. Waouh, ça c'est. Pour c'est changer fou. De technique aussi. Ouais, c'est on tape des petits points partout. Petits tu points, connais petits points. Ouais, le pointillisme. Ouais. Je connais. Et puis ça représente un énorme taf de faire ça. Ah ouais, c'est très très long. Ouais, tu m'étonnes. C'est surtout, tu commences, tu sais pas comment ça va finir en fin de compte. Parce qu'il faut être très précis. C'était nouveau. J'ai dit, tiens, j'essaye. Puis bon, c'est bien ressorti, donc ça va. Notorious B.I.G., voilà, imposant. J'en ai fait trois, donc qui sont exposés à Vosges-Matin. Voilà, sa figure qui était charismatique, ouais. Avec des traits très larges. J'ai vraiment aimé le faire. Puis le pointillisme, c'est vraiment sympa. C'est des petites techniques que j'apprends sur le coup et puis qui me permettent de qui mettent plusieurs cordes à mon arc quand je veux les utiliser. Mais c'est fou parce qu'il faut quand même une notion des proportions. Enfin, quand on dessine, quand on peint, ça s'invente pas. Tu vois, pour représenter quelque chose, il faut que oui, oui. C'est surtout sur un mur. Et les murs là-bas, il y a des endroits où la craie passe pas. Il y a de l'humidité, donc des fois, puis il faut reculer tout le temps parce qu'on sait pas ce qu'on fait. Il y a une très petite luminosité aussi. Hein, pour ceux qui connaissent le parking, on voit rien. Je suis là et en général, ça me prend 2 heures. Je suis debout pendant 2 heures et dès que j'ai mis la main sur le mur, je sais même pas que 2 heures sont passées. Il faut que ça soit mon épouse qui m'appelle pour manger. sinon, je reste toute la journée. Je sais même pas quelle heure il est. Je suis dans un monde, quoi. Ouais, t'es dans ton truc. Ouais. Ah ouais, il y a tout qui est... ça se ressent vraiment sur les peintures, du coup. Ça se voit vraiment que t'es dans ton... T'as un univers qui est assez incroyable. T'es inspiré. Ouais, voilà. Je reprends une question de notre stagiaire, Léliana, qui m'avait... Je sais pas si tu connais l'association Le Mur à Épinal. Non, je connais. Ils gravent sur un mur, en fait, et tous les mois, tous les 3 mois, je crois, ça change d'artiste. Et je me demandais, en fait, quand tu peins en gros, quand tu graves, quand tu fais vraiment un gros, gros tableau énorme comme ça, Liliana, elle me disait qu'il fallait être beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus dans le détail, alors que moi, je pensais que c'était l'inverse, en fait. Du coup, c'est quoi la bonne réponse? Alors, moi, j'ai jamais fait ce genre de peinture parce qu'elle est très délicate dans le sens où la proportion comme tu l'as souligné, elle est pas à échelle d'homme. Oui. On peut pas descendre d'un échafaudage et reculer de 50 mètres. Ah mince, j'ai raté la bouche. Oui. Vous avez un schéma sur une feuille et puis vous avez des petits carrés. A5, A4. Ah, et vous faites le trait en fonction de ça. D'accord. Moi, c'est une technique qui s'apprend mais que je maîtrise pas. Oui. Donc moi, par exemple, si on me propose un énorme mur, alors laissez-moi apprendre et ensuite, mais je prendrai pas un chantier que je maîtrise pas. Oui, mais ouais. Concrètement, ça c'est encore une forme d'art. Ceux qui font du graphe, en plus le graphe, sur des murs de 10 mètres de haut, ça forge le respect parce que la proportion, c'est voilà. Mais tu dirais qu'il faut être plus dans le détail quand tu peins gros que ou à échelle, enfin un petit tableau, un petit dessin. Un croquis. Moi, je dirais qu'il faut être dans le détail tout le temps. Moi, je pourrais pas faire la chose à moitié. Des fois, j'abuse même avec ça, que la chose soit détaillée. Perfectionniste. Et souvent, quand on reproduit une œuvre, moi, je reproduis, donc encore une fois, on la grossit instinctivement. Je sais pas pourquoi, le cerveau, il retrace comme ça. On grossit les personnages, on grossit tout ce qu'on voit. Comme si on avait besoin de focaliser sur des petits détails qui sont même insignifiants, mais voilà. C'est quoi la matière que tu as préféré peindre? Après, j'arrête, premier bruit. T'inquiète pas. Il a mis la pièce, c'est pour ça. Ah oui. C'est quoi la matière sur laquelle tu as préféré travailler pour créer quelque chose? Tu disais le métal, le carton, j'aime beaucoup. Ah oui. Je découpe parce que ça coûte rien. Et puis, ça prouve aussi qu'on est capable de peindre sur n'importe quoi. Un morceau de carton avec les stries encore cartonnées qui prouve que voilà, on l'a trouvé par terre. Mmh. On peint dessus à l'huile, donc ça absorbe beaucoup. Il y a une sacrée technique dessus. Sur le carton, je trouve que c'est le pur street art, quoi. C'est un objet, on va dire, c'est une matière contemporaine qui vaut rien. Mmh. Et puis, on peut mettre un chef-d'œuvre qui vaut des millions dessus. Donc, ça fait un espèce de parallèle entre les deux. C'est vrai. Ok, donc il est 14h presque 55. Avant de conclure cette émission, je te propose que nous nous lancions dans une troisième et dernière fréquence, dans un troisième et dernier son que tu as choisi toujours, et que nous écoutions Louis Armstrong et son célèbre titre datant de 1967, What a Wonderful World, encore un mot anglais, la version live, car comme dirait Lia, vu que les concerts nous manquent, ça nous fera du bien d'entendre une version live. Merci. De rien, avec plaisir. Est-ce que je vais te demander, est-ce que ça te va qu'on écoute ça? Mais je suppose que oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il nous disait qu'il écoutait ça quand il créait, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Ah bah voilà. Donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après, d'ici à peu près 2 minutes 30. of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo pour la suite et la fin de cette émission. Vous venez d'écouter Louis Armstrong et son titre What a Wonderful World. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Laurie Waldener qui est venu nous parler de ce qu'il fait. Donc ça va toujours ? Ça va très bien. Nickel. Donc si certains de nos auditeurs ou certaines de nos auditrices sont intéressés par se lancer dans les mêmes domaines que toi, que ce soit l'écriture, le street art ou autre, quels seraient les conseils que tu leur donnerais ? Persévérance. Pourquoi ? Parce que et puis pas avoir peur de se lancer. Faut pas se mettre des barrières en disant non, c'est réservé à des gens qui ont étudié l'art ou des gens qui savent écrire ou quoi que ce soit. Non, on est forcément intéressant sans le savoir. Voilà, si Jordan n'avait jamais touché une balle de basket, il aurait jamais su qu'il y serait jamais allé jusque là. C'est vrai. Il faut essayer plein de choses pour trouver là où on est bon. Et puis, il faut le faire pour soi aussi. Il ne faut pas non plus chercher les éloges tout le temps. Si pour soi, ça fait plaisir. Moi, si quelqu'un a lu une fois mon livre et que ça lui a plu, ça y est, je suis satisfait, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Le meilleur, j'espère. voilà, une vente de livres, parce qu'on vit quand même par rapport à ça. C'est vrai. Un tome 2. Et puis des murs et des murs et des murs à peindre. Nickel. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Laurie, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast publié sur notre page Facebook demain dans la journée. Je pourrais te l'envoyer par mail, si tu veux. Mm-hmm. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai Lorraine Pierra, chef cuisinière, mais pas que. Mais vous entendrez tout ça dès demain à 14h. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Deva Mahal et son titre Is Down to You, encore de l'anglais. Voilà, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais Alexia Stark, présidente de l'association jeunesse de Saint-Nabor. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Salut. Salut.